Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Sneezy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Sneezy, c'est maintenant sur Skyrock. Enfin c'est maintenant. Faudrait qu'il soit là surtout, Sneezy. L'émission commence bien, on n'a pas Sneezy, on l'a perdu. S'il est passé près de chez vous, envoyez un petit message. Nous avons perdu Sneezy avec le hashtag Sneezy sur Skyrock. On l'attend peut-être d'une minute à l'autre. Suivez les images sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Coup d'envoi donc de ce Planet Rap avec... Ah bah voilà, il y a une partie qui arrive. Vous avez vu Sneezy ou... Non. Non, bah installez-vous. Donc on va commencer le Planet Rap tout de suite sur Skyrock. Un son de Rihanna et on trouve Sneezy après. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Sneezy. Sneezy et son album Super, un album qui est sorti hier. Et ce serait super qu'il soit là. Sneezy, on a des nouvelles? Quelqu'un a des nouvelles ou pas? L'équipe de Escrew, non? Personne? Personne peut me donner de nouvelles de Sneezy? Personne l'a appelé? Rien? Ah, Dooms peut-être qui fait son entrée, voilà, dans le studio. Dooms Koulibaly. On a une question. Que se passe-t-il? Parce que là, l'émission a commencé déjà depuis 7 bonnes minutes. Moi, je suis un peu en galère, j'ai sorti les rames au début, il y aura un son de Rihanna. Ça va? Qu'est-ce que je peux dire? C'est que là, ils sont en chemin. En chemin. Mais ça m'inquiète donc, le chemin est vers où? Le chemin était censé arriver de Paris Sud, mais curieusement ils se sont perdus donc. Ah ouais. Plus c'est le genre de mecs qui connaissent pas Paris bien sûr. Voilà exactement. Alors que ça fait 22 ans qu'ils habitent à Paris, tu vois, ils sont tous bon. Donc ouais. En fait je pensais que t'allais me rassurer mais tu me rassures pas du tout en fait. Ouais mais si je vais te rassurer parce qu'il y a quand même quelques membres du Escrew qui mais sont ça, là. Ça je sais. Il y a pas mal de personnes qui arrivent donc en attendant je pense qu'on peut balancer quelques sons de son album. Et ben allons-y alors, on débute avec quoi? Avec la coupe. On va soulever ça. On va soulever la coupe. Arrivent. En attendant Sneezy, je rappelle que l'album est sorti hier. Super. Tiens, Dooms, on va lancer pour tous ceux qui sont sur Paris. Est-ce que vous avez vu Sneezy? Ouais. Le hashtag. Où est Sneezy? Ouais. Où est Sneezy? Allez-y, vous balancez. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas aussi. 41-759. Et là, on écoute la coupe sur Skyrock. C'est parti. Yeah. Je suis pas arrivé au bon moment, dites-moi. Les gens ils refont comment, je sais pas, mais ma maman avait besoin de flouze. Les repas organisés par la mairie, les cadeaux de Noël de la cave, je lui ai promis un château quand j'aurai de la maille. Et qu'un jour on irait vivre en Amérique. Je veux lui rendre sa jeunesse si c'est négociable. Dur d'accepter toutes les aides sociales. Elle m'a interdit de faire le pauvre. Elle m'a toujours mené vers le haut. Ma daronne c'est mon ballon d'hélium. Elle connaît la suite comme un médium. Elle a jamais fait la comédienne. C'est la plus mignonne des lions. Elle restait positive quand on touchait le fond. Elle reconstruit même quand tout s'effondre. Je me rends compte de son courage en grandissant. Séparée de sa famille pendant 10 ans. On était ses seules bouffées d'oxygène. J'ai jamais vu de femme aussi belle. Elle prenait seule son petit déj. Surmontait seule les galères de la vie quotidienne. Même si ton prochain n'a pas très faim, elle m'a toujours appris à partager le pain. Pour le paradis elle a son aller simple. Elle nous a élevés sans jamais se plaindre. J'avais 2 ans quand ils se sont séparés. Elle n'a jamais retrouvé l'amour. Le passé est impossible à effacer. Donc pour ma mère je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. Pourquoi j'dois soulever la coupe? Soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. Pourquoi j'dois soulever la coupe? Elle m'a donné sa bénédiction. Elle m'apaise comme un cessez-le-feu. Je veux exaucer ses vœux. Le soleil, la lune, décrocher les deux. Dans le brouillard, on a passé tant d'années. Je me rends compte que ma mère est légendaire. C'est elle qui m'a toujours dit laisse les gens parler. Et s'ils sont mauvais, laisse les gens faire. Dans ce paysage gris, c'est mon coin vert. Jamais loin d'elle, je vais prendre soin d'elle. Elle préférait rire et rester digne. Elle nous a toujours caché ses points faibles. Elle m'a appris à baisser les armes. Coûte que coûte, je vais la rendre fière. Je vais sécher ses larmes. Grâce à ma réussite, je vais enfin lui faire prendre l'air. Je dois soulever la coupe. soulever la foule. Pour toi je dois soulever la foule. Je dois soulever la coupe. Soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? À l'instant, Sneezy qui bonsoir pendant à tous. En fait, désolé pour le retard. Fallait juste qu'on balance ton morceau pour t'arriver. Exactement, pour respecter un peu Madaron, lui dire bonjour et après on me dit bonjour. À... Maintenant, tu as besoin de ça maintenant pour c'est que ça. Tu arrives, il faut qu'on balance tes morceaux. Exactement. Incroyable, comme le succès change tôt. Ah non, le succès tranquille. On se relaxe, on se relaxe. Bon, tout va bien pour cette deuxième soirée ? Ouais, à fond, on a ramené des gros invités ce soir. J'ai vu, il y a Dooms qui est arrivé, qui était aussi un peu inquiet. C'est mon assistant, c'est mon bras droit. J'étais inquiet, mais il m'appelle Hap. J'ai vu le escroc arriver. Quoi ? Ouais, il y a le escroc, il y a Panama Bende, il y a Ornette La Frappe, il y a plein de monde, il y a Phénomène Business encore. Il y aura donc du freestyle ce soir une fois de plus. Comme d'hab, je crois qu'on va faire un peu plus longtemps qu'hier. Ah oui, donc faut qu'on prenne plus tôt encore. Ouais. On va saluer Nekfeu qui est là aussi. Nekfeu, excuse-moi. Qui est là, qui est venu supporter. Ouais. Ça va bien ? Hier, il disait plein de choses gentilles sur toi, je sais pas si t'as écouté, mais... Bien sûr, j'étais connecté, j'étais jaloux du freestyle, donc je suis venu ce soir. Ah, c'est pour ça, en fait. Ouais. Bon, tout va bien, tout se passe bien aussi pour toi, là, l'album qui arrive. Franchement, tout se passe super bien, toute l'équipe, on est à fond en ce moment, on lance tout. Donc, je suis vraiment heureux, quoi. Déjà numéro 1. Toujours numéro 1, donc tant mieux. Et puis, ça marche fort aussi pour le morceau qui s'appelle On verra, qu'on balance ouais, aussi sur Skyrock. Exactement. Qui est un des très, très gros morceaux, celui-ci de l'album, et je suppose qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Il y en a d'autres. On va vous les faire découvrir. Et puis en attendant, il y a le tien aussi qui est sorti depuis hier, cet album. Exactement. L'album super, c'est mon premier album solo dont je suis très fier. Mmh. Et voilà. Avec plein de thèmes différents, avec justement, on en a parlé un petit peu de l'introspection, avec un morceau exactement. On écoutait la coupe dédiée à maman. Ouais, ce soir on va mettre un deuxième morceau. Il y a un deuxième morceau, je disais, cette fois-ci pour le côté paternel qui est quand même beaucoup plus rude. Plus sombre, ouais. Plus sombre, qui a un côté un peu plus sombre. Ou, ouais. Là aussi tu te lâches, mais c'est ce que tu as vécu aussi. Donc, ouais, c'est ce que j'ai vécu et il en fallait pour les deux côtés, tu vois. Mmh. Le côté positif, le côté négatif, même si je ressors très enrichi de même des côtés négatifs que j'ai pu. Avoir dans ma vie, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est un bel album en tout cas de Sneezy avec plein de choses, plein de sonorités différentes. Ouais, on écoute plusieurs délires. Donc dans ce premier album, j'ai voulu tout mettre, tout mélanger et pas faire que de la trap. Et avant de balancer d'ailleurs le freestyle tout à l'heure, comme tous ces rappeurs français. Exactement. On écoute un morceau, Sneezy. Qu'est-ce que tu veux balancer comme titre de super? On va mettre. Qu'est-ce qu'on a prévu? Je sais pas, ISF. Et eh ben allons-y, on peut remettre ISF. Allons-y, allez. ISF, faut qu'ils le prennent. ISF, c'est aussi un des gros titres de l'album, celui-ci. Gigi. Sneezy, il est dans Planète Rap. Balancez vos messages aussi avec le hashtag Sneezy sur Skyrock. Aïe. Sneezy. Super sound. peu sérieux, restons honnêtes. J'ai déjà acheté une maison au bled. On a déjà géré tous les pains dont vous rêvez, donc nous vous laissons nos miettes. Est-ce qu'on se projette? Question trop bête. À 25 ans, je vais payer l'ISF. J'ai reçu l'appel d'un certain monsieur Hollande. Je me demandais qui était-ce. Je dis Hamdoulilah, je me suis jamais plaint. Pourtant même quand je mangeais au resto du cœur, j'ai jamais été riche, tu crées trop de rumeurs. On s'en bat les couilles de tes sauts d'humeur. J'ai connu la VHS, mais j'ai pas besoin d'en faire mon fond de commerce. C'est honteux mon frère, ces rappeurs me font trop tiep. Restez entre mauvais tant que les bons se connaissent. J'ai les joues creusées, je dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Oh. Oh. Les grosses coupures et la haute couture. Trop joint d'herbe, j'ai mes potes soupures. Trop de joints et me faire des toffes toutes nues. Qu'elles m'envoient au préalable. Toutes ces salopes sont coquées à balles. Elles me grattent comme si je venais de choper la gale. Topé, je suis venu pour jouer la gagne. On va tous les hackers. Tous ces bâtards qui prétendent être la relève du rap. Tous ces rageux sont des rapaces. Pour toutes ces sales races, je lève le majeur. Je suis loin de mentir. Je signe plus un contrat à moins de 100 000. Je réinvestis le moindre centime. Les gros, je suis tranquille. J'ai les joues creusées, je dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Oh. Méga du Maroc, Algérie, Tunisie, c'est comment? Gaza, Darbeda, hein? Smeh. Pour tous mes Grecs, mes Maliens, mes Kéens. Neri neri à la tête, sorti que t'es naoué, les kin maradesh, ma bakesh, t'aouid, wesh barré, naouneux, t'salim qui fèche, ken la boule karaté. Ken reni l'inès, y merde, hum wello. Ken reni l'inès, y merde, hum terriel, ou les du kerien. غير سمع صوتي كتعرفني خويا بلا ما تشوفني الواليده خدمت علينا ولكن دابا جات نوبتي فيس جديد بوطويل نرجس بلا ما نقدم مغربي في الدم الا عندك شي راس خويا خدم كلشي غالي المغاربه كلهم قالوا لي راه انا واحد شكون اللي بغالي هما حشومه شكون اللي بغالي تا واحد كلشي غالي المغاربه كلهم قالوا لي راه انا واحد شكون اللي بغالي هما حشومه شكون اللي بغالي L'album s'appelle Super, il est dans les bacs depuis hier. C'est Sneezy, notre invité toute la semaine, entre 20h et 21h sur Skyrock. Exactement. C'est gros ça. Morceau exotique hein, aussi. Dessus. Exotique, je rappe en rebeu, j'ai la capacité de le faire, donc je me suis amusé. Je pense que je vais réitérer l'expérience. Sneezy, avec nous, un gros live qui se prépare dans un instant. Juste avant, on va faire quand même un petit vrai-faux. Hein. C'est des choses qu'on a vues sur le net, tirées de différentes interviews que tu as pu donner. Vas-y, je t'écoute. Donc tu confirmes ou tu infirmes. Par exemple, tu aurais aimé faire un featuring avec Nicolas Anelka. Tu sais que tu as dit ça dans une interview. Ouais, c'était une interview pour Surface, donc c'était un truc. Foot. C'était très axé foot, donc ouais, pourquoi pas. Si ça avait été un rappeur, il aurait été chaud, je pense. Tu penses? Ouais, je pense, je suis sûr. Tu penses qu'il serait plutôt dans quel domaine? Ah, il serait dans les trucs bien hardcore, je pense. Ouais. Il serait arrogant. Arrogant. À fond. Bon, il paraît que tu voulais être joueur pro en étant jeune. Oui. Restons dans le foot parce que ce soir il y a quand même un gros match. Hein, aussi, ouais, hein. C'est Barça Bayern, c'est ça. Je vois qu'il y a quelques. Mais je crois qu'on va le louper, non? Ouais. Dommage. Aïe. Ok, bah ouais, j'aurais aimé être footballeur, mais t'es, bon. T'es mon rêve, toi. En Real Madrid. Ah d'accord. Pas mal. Non, j'ai été. Mais aux portes d'entrée. J'ai joué en élite à l'époque. C'était une division qu'ils avaient fait pour les mecs, les vrais mecs chauds. On avait joué contre le PSG. Le mec du PSG voulait que je fasse un stage, mais mon rêve s'est brisé quand mon entraîneur ne m'a pas emmené au camp des loges. Comme quoi, une carrière. Mais tiens, ici, il y a un mec qui a joué au PSG, Take Mike, un mec très très lourd. Comme quoi, hein, parfois aussi, les carrières s'arrêtent comme ça brutalement. Exactement, ça s'est joué à ça. Bon, et ce soir, plutôt quoi, Barça, plutôt Bayern? En fait, je préfère le Bayern, mais je veux que ce soit le Barça qui passe, comme ça, on a une petite finale Barça-Real Madrid. Bon, Cristiano temps, Messi, je pense que le Madrid va passer contre la Juve. C'est bien parti quand même pour le Madrid, on verra. Mais si. Je pense que ça va être un Barça-Real, un gros classico, et je pense que Cristiano Ronaldo va montrer ce qu'il sait faire et va récupérer son quatrième ballon d'or. C'est les pronostics de Sneezy, on suivra ça. Mais... on t'a appelé pour un rôle à Hollywood, vrai, faux? Faux. Faux, mais il y a le cinéma quand même, hein, là maintenant, ça y est, c'est parti. Ouais, cet été, je vais jouer dans un film, tourner dans le film de Cyrine Boulanoir, son premier film. Qui fait tous les clips, hein. Qui fait tous les clips d'un 995, qui est mon bras droit, mon bras gauche. Il pense comme moi, donc on a la même vision de tout, donc c'est mortel, je suis vraiment content de. C'est quoi le pitch du film? Ça, je dis rien, c'est à lui d'en parler. Et il est où? Il est pas là. Bon, il prépare son mariage. Tu peux nous dire au moins le nom du personnage que tu joues? Amine. Amine. Comme moi. D'accord, Amine. Et ça se passe plutôt... C'est pas écrit autour de mon histoire, mais c'est écrit pour moi. Donc ça va pas trop me dénaturer. Très bien, donc cet été le tournage. Hein. Normalement, si tout va bien, Inch'Allah. Enfin, dernier, vrai ou faux, tu veux partir habiter loin de Paris à la campagne? Faux. Non? Faux. C'est pas loin de Paris, mais pas à la campagne. La campagne dans un autre pays, peut-être. Ah, la campagne dans un autre pays, ouais, pourquoi pas. Il y a une bagarre qui sort. Qu'est-ce qui se passe? S'improvise entre Doom et H la patate. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. De toute façon, quand il y a Doom et H, il y a toujours du zbeul. Bon, ça va, il garde le sourire en même temps. Ouais, hein, tranquille. Vous pouvez voir ça en live, c'est ça, non? Bah, on peut voir les images, ouais. Bah, regardez sur le Skyrock la bagarre, FM, c'est sur l'application. En ce moment, on va revenir dans quelques minutes. Allez, on passera un petit morceau de l'album, yes. Super avant d'attaquer le live. Vas-y, bah, on passera le morceau qui s'appelle Dieu merci, qui parle justement de ce que j'ai vécu. Et bah, avec très bien. Mon père. Ne bougez pas dans un instant sur Skyrock. Le morceau s'appelle Dieu merci. Il est extrait de l'album Super, yeah, de Sneezy avec nous. Un gros live qui se prépare. Vos réactions avec le hashtag Sneezy sur Skyrock et le retour de Planète Rap sur Skyrock. Ce sera juste après ça. Skyrock reçoit Sneezy pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Sneezy. Salut mon vieux, tu me reconnais? Mon père a attendu de me voir à la télé pour me passer un coup de fil. Mais t'étais où quand dans la cour je me suis percé les couilles? Je compte même plus les années qu'on a passé à souffrir. Je me dis qu'on aurait peut-être même dû lui arracher les couilles. J'ai plus rien à perdre vu que maman a déjà tout perdu. Viens, on va se détendre, on va jouer à la roulette russe. Ces moments font du mal au fond du crâne. Apparemment t'as oublié que maman n'oublie pas toutes les violences conjugales. Ça finissait dans la lueur des gyrophares. Mon rêve c'est de devenir son pire cauchemar. Quel mythomane, tant pis si ça vire au drame. Au calme, je crois qu'on va passer du rire aux larmes. Ta vie était un désastre. Tu fermes les yeux. T'as laissé filer un sésame. Ta vie était impeccable. Mais t'as fui et t'as vu que ta bitch était ingérable. Chante cette chanson assis dans l'air. Je t'ai presque jamais vu comme la pension alimentaire. Allez menteur, vas-y enterre-toi. T'auras beau crier, allez tirer en enfer. Vu que tu t'es jamais occupé de moi, je crois. Je vais laisser le bon Dieu s'occuper de toi. Ce sera encore pire, tu pourras pas l'endormir. Et si tu penses t'en sortir, c'est que t'as trop fumé, je crois. Avec l'alcool et la drogue, il s'est dû perdre. Il pensait avoir les idées plus claires, super. Chez nous, y'avait souvent les autorités. C'était risqué, maman était en situation irrégulière. C'est dur, frère, sans le daron de faire du blé. T'aurais pu abréger nos souffrances, mais tu préférais faire durer. Je crois que je suis perturbé. Sans salaire, c'est l'expulsion. Dans la tête, c'est destruction. Impossible de ralasse le loyer. On voyait la paperasse nous noyer. Y'avait personne, hôtel. C'était un bordel. Ça mettait ma mère hors d'elle. On a vécu hôtel. Oh, j'étais petit, le pire c'est que je trouvais ça mortel. Ta pute, j'appellerai jamais ça une belle merde. Ta puce, tu nous as vraiment dégoté une belle merde. J'ai vu la lâcheté d'un homme dans les yeux de mon père. Pour ton avenir, sache que les jeux sont faits. Pour moi, t'es déjà mort. Le processus est lancé. Pourquoi veux-tu que je le désamorce? Tu peux crever devant moi, je te mens pas. Je ferai comme si je ne voyais rien. Je peux crever devant toi, ne mens pas. Tu ferais comme si tu ne voyais rien. Parfois, j'ai des pensées macabres. Le genre de pensée où je suis censé t'abattre. Je traîne une immense haine. Quitte à prendre 10 ans ferme, je vais lui faire vivre l'enfer. Tu peux dire que c'est l'Azdeg, mais ton père aurait dû mettre le truc en latex. Ouais. Tu sais, parfois la vie est décevante. Le succès est la meilleure des revanches. Il mériterait encore des droites. Je pense qu'il s'en mord les doigts. Pour moi ça baigne, je l'aime, donc je remercie le Seigneur. Ils se plaignent, je trouve que c'est un exercice périlleux. Et que c'est dignité, instinct animal. Tiens ça de Fatima, c'est pas si mal. Et c'est d'imiter, heureux qu'il nous ait lâchés. Je prends ça comme un présent. Mon père était un raté, ma mère restera un exemple. Hein? Ma mère restera un exemple. Ma mère restera un exemple. Ma mère. Tu peux crever devant moi, je te mens pas, je ferai comme si je ne voyais rien. Je peux crever devant toi, ne mens pas, tu ferais comme si tu ne voyais rien. Tu t'es pas vraiment gêné pour mettre en plan tes enfants. On pourra jamais faire semblant de s'entendre. Semblant de s'entendre. C'est extrait de l'album Super de Sneezy, yes. À l'instant. Et c'est vrai que c'est un morceau, bah on le disait, c'est contrairement à la coupe, justement un morceau, bah pareil, introspectif, mais. Exactement, à fond. Bah, j'ai voulu parler des deux côtés comme ça. Est-ce que d'ailleurs, entre la coupe et celui-ci, quel est le plus simple à écrire? Ah, les deux, ça m'a les pas. Tu vois, je fais pas de la c'est pas de la thérapie pour moi, la musique, je vais très bien dans ma vie, Dieu merci. Donc, j'ai d'où fait le nom ce morceau. Aussi, d'où comment le nom aussi du morceau. Ouais, exactement, Dieu merci, tu vois. Mais ça m'a pas soulagé de quoi que ce soit. Après, ça ressasse des souvenirs et des trucs qui sont passés qui étaient pas forcément cool, tu vois. Mais tranquille, on est là, on fait le truc. J'avais besoin de me révéler un peu, tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait. Sans pour autant rentrer dans ta vie privée, tu sais s'il a écouté ou pas le morceau Non, père ça m'est égal. Non, t'as pas eu de nouvelles depuis la sortie depuis. Si, mais enfin bref, non. On va dire non. On va dire non, ok. Ouais. En tout cas, c'était une page qu'il fallait tourner, tu l'as fait aussi sur cet album. Exactement, je pense que j'en reparlerai pas beaucoup au cours de ma carrière. Mais c'est. Ouais, je trouve que c'est assez osé aussi ces genres de morceaux. Parce que bah, il en faut. Ça fait du bien et on me reproche souvent de faire que de l'ego trip, bah, c'est juste pour prouver que je suis aussi. Ah bah moi. Là sur l'album il n'y a pas que de l'ego trip hein. Bien sûr il y en a ouais. Bon, ça là, on peut pas dire que là-dessus. C'est pour ça que j'ai attendu mon premier album pour vraiment me révéler tu vois. Quand on écoute l'album on peut pas dire ça, hein. Ça c'est... Exact. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres rapports. Il y a un rapport avec les nanas avec, ouais. Entre autres ouais. Entre autres. On en parle beaucoup des filles c'est vrai. Et on pourra découvrir ça cette semaine entre 20 et 21 avec l'album de Sneezy. Yes. Super dans quelques minutes. Gros freestyle on le disait il y a du monde ouais. En freestyle live, le sombre. On va attaquer là dans 2-3 minutes juste après l'Antou 2. Il y avait l'entourage, il y a maintenant l'Antou 2. C'est de Grenoble. Okay. Qui nous appelle, ça va bien l'Antou 2? Ouais bien et toi Fred? En forme? Ouais ça va. C'est quoi ton blaze? C'est justement un petit clin d'œil à l'entourage aussi c'est, Ouais un peu, c'est un peu le délire c'est ça. Est-ce que tu as récupéré l'album de Sneezy? Pas encore, on va y aller. On va y aller. Faut mec. Et bah tranquille. Tu es prêt à rapper? Ouais. Allez c'est parti, on t'écoute. Okay. C'est sur freestyle par téléphone maintenant. Ok, l'Antou 2, 1. Écoute. Yeah. 6h du mat, je suis réveillé, je roule un tarpé dans la foulée. C'est ma vie que je vais te raconter. Y'a moyen que tu restes choqué. À qui paraît, je parie, paraît. Le mec qui bicrape des barrettes. Arrête, tu mets de ton mallette. Tu vas finir par te soumettre. Tu fais des rêves de ta tête. J'ai fait des rêves de bébête. Comme une des cassettes, tu vas finir aux oubliés. Je te prêterai pas à bêtise de pute. Dans la violence, c'est pas mon truc. Par contre, je vais te faire ta pute. Y'en a beaucoup, ça c'est mon but. Ta carrière, c'est une éclipse. Elle était seulement de passage. J'ai jamais en manque d'artiste. Je vais tout niquer sur mon passage. Je fais du rap de grand. Je te dirai pas combien je mesure. Je te fais kiffer. T'es trop content quand t'écoutes tous mes 16 mesures. Une de c'est l'Antou 2 qui te laisse rageux. Douteux, on roule un putain de pilon bœuf. Merde haineux qui vont finir la NPE. Adieu, t'es vieux, faut que t'arrêtes le rap, c'est mieux. Si je commence à parler de toi, je vais sûrement pas te respecter. J'ai qu'un seul fait en ce moment, c'est juste de devoir crever. Se taper, te cracher dessus, sur mes seules capacités. Si j'avais été un message que Marc, il serait verrouillé. Le rap laisse ambigu, moi je le trouve plutôt banal. Il est rempli de fils de pute, c'est la banane que tu avales. Après ce son, t'as convaincu que je rappe plutôt pas mal. C'est sûrement déchirant le cul que je vais entrer dans les annales. Yes, à l'instant. Aïe aïe aïe. Bon freestyle par téléphone, bravo à toi, l'Antou 2. Lourd. Bah merci. Hein. Du côté de Grenoble, on peut te retrouver quelque part sur le net. Balance les adresses. Ouais, sur Facebook, c'est l'Antou 2. Donc c'est comme l'entourage, sauf à la fin du rage, on met deux. On met deux. Voilà. Mortel, mec. Force. Et bah continue. Force à toi. Il y a un clip qui est sorti, allez checker ça les gars. C'est Rêve de Maï, le clip de l'Antou 2. Merci à toi, l'Antou 2. Ouais, merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée. Il est grand temps maintenant de passer au freestyle après le cours de dessin de Dooms. Hein, si vous suivez les images sur Skyrock, avant on va. Ouais, c'est un tu le vends chelou, tu fais quoi après je le bicrave archi cher. D'accord, combien? Prix des enchères, on va voir si ça peut grimper. Franchement, là, c'est un petit Frémont comme ça, c'est minimum 500 euros. Ah ouais, ah ouais, c'est pas cher. Au minimum. C'est pas cher. Bon, on va voir s'il y a des gens qui sont intéressés. N'hésitez envoyez pas, nouveau hein. Message. Envoyez si des messages, je vais les mettre plus cher aussi, n'hésitez pas. Ils payent son resto après. Et les, et les images sont dispo sur le Skyrock FM. Fred, avant de ouais. Freestyler, tu vois, il y a un mec que j'écoute avec tous mes gars depuis pas mal de temps maintenant. Il s'appelle Ornette. C'est un mec du 9-3, Ornette La Frappe, qui est produit, il me semble, par Buster Flex. C'est ça. Et on va balancer un morceau à lui avant. On va freestyle. Enfin, il va faire un live de son morceau qui s'appelle Gobelet Codéiné, qu'on connaît bien par cœur ici. Viens t'installer maintenant. Donc le morceau en live et puis on ira dans la foulée sur le freestyle. On va saluer Monsieur DJ Hologramme, Monsieur Lowe, qui est au platine comme chaque soir. Oh oui. Ça va bien, messieurs? Ça va, tranquille. En forme? Bien. Donc c'est un morceau qu'on peut trouver où, celui-ci? Sur YouTube. D'accord. C'est très très très très chaud. Très très très très chaud, nous dit Sneezy. Exactement. Sur une prod de Bustaflex. Eh ben on salue Bustaflex aussi. Big up au frérot. Yeah. C'est parti et puis on enchaîne le freestyle juste derrière. Yeah. Aïe aïe aïe. Codéiné. Gobelet Codéiné. Gobelet Codéiné. On est sur scène, tu connais. Codéiné. Gobelet Codéiné. Oui, il est là, fais aussi. De la pure, de la pure pédicure, manicure sur les champs. Puis de nature, paye en nature. T'aimes les voitures, mais t'as jamais d'essence. Attendu comme le 6 du mois. RSA, RSA, RDM, comment rester simple. Tu fais pour le bitume comme le RS5. On aime la fraîche, la vie, la vraie. On aime les fesses, les filles, les vraies. On aime l'ivresse, les tailles, les verres. Mathusalem, Belvédère. Carré VIP, on les épaules. Everett, peu du mot, ouais. Ramenez-lui un verre, c'est les taux. Merzouga, joue la Cohen. De la pure, de la pure, de la cristalline. Triste fin comme le Titanic. Épinay là où tout commence. Orgemont là où tout se termine. La concu c'est fini, c'est classe. Faut mieux avoir son petit gobelet. Perso que la plus grosse des tasses. Sur l'aile de Teco, fais la pute d'en face. L'aile de Teco, fais la pute d'en face. L'aile de Teco, fais la pute d'en face. Codéiné, sortez, sortez les gobelets. Sous codéine comme à Chicago. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau ou le geste d'un pont. Sous codéine comme à Chicago. Sous codéine comme à Chicago. Pour un bon KO, c'est le geste qui compte. Comme un vieux cadeau. Frappe le liquide sera cher. Sous codéine comme à Chicago. Sous codéine comme à Chicago. Sous codéine. Sous codéine comme à Chicago. Chicago. Chicago, codéine comme à Chicago, sous codéine tout le monde. Gobelet codéiné, gobelet codéiné, gobelet codéiné, gobelet codéiné, ala ala, codéiné, ala ala, codéiné, codéiné, ok. Dealer, dealer, dealer. Robert Renoir te passe le salam. Une tonne 3, saisie à Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils sont chauds, les 6 gros panames. Salade, carotte, banane. Vas-y, salope, galope, aval. Cheat club, flash, ça monte sur panam. On se fâche pour un grec salam. L'Irak n'a pas trouvé les lettres, donc ils nous ont pendu Saddam. Toi t'es bonne, c'est ton mal-être. On le vrai ton cul passe le salam. Rencontre sur l'ordi, normal que parfois entre nous ça. T'as des gros boules dans tes clips. Attends que j'appelle l'équipe à Sarah. Épiné, on vient de piner. Et devinez, maintenant on s'arrache. Vous dealez, là comme la frappe, la bonne. Vous lui mettez un barrage. Mais voilà, cette année je vous arrache. Ornette sur route, jamais au garage. Rue de Marseille, ça sort la cage. Vis ta vie, pas la mienne. Tu veux la même, la putain de ta race. Fils de gobelet, codéiné. Gobelet, codéiné. Gobelet, codéiné. Gobelet, codéiné. Ala, ala, codéiné. Ala, ala, codéiné. Ouais, je bosse ta flex, des studios, t'entends ça ou quoi? Aïe, aïe, aïe, production, les mecs, comme à Chicago, sous mignon, in comme à Chicago, sous codé in, sous codé in, tout le monde, sous codé in, comme à Chicago, sous codé in, comme à Chicago, un bon KO, c'est le geste qui compte, comme un vieux cadeau, ou le geste d'un pont, sous codé in, comme à Chicago, sous codé in, comme à Chicago, sous codé in, comme à Chicago, sous codé in, comme à Chicago, go, go, go, Chica, Chica, Chicago, Chica. Chicago, Chicago, sur scène, Chicago, oh my god, grosse dédicace à Sneezy. Il est là, son album va être sale. Sale, sale, sale. Chica, Chica, Chicago. Moi je ville pote, on entend quoi? Chicago, ah, ville pote. Fracasse, on est là. T'es pas Easy Mignon. Ornette la frappe. C'est ma gueule. Une Marseille. Ah. C'est comment Sky? Ok, ok, ok, ça fait super, super, super. Super, ça fait super, super, super, super, super, ça fait super, super, super, super, super, super, super, super. sache mon vieux que des envieux m'en veulent. Les gens, je rache mon feu. On a ce qu'on veut. On est les plus bouillants. Pourtant, ils trouvent que ces schlags font mieux. Les schlags font mieux. Faut pas n'aime pas l'entêter. Ah, ok, ok. Eh, hey, pull up cette merde, pull up cette merde, hologramme long, on va leur montrer c'est comment. C'est 1995, c'est Sneezy, super sound. Ok. Vraiment. Sache mon vieux. Ok. Sache mon vieux que les envieux m'en veulent quand je crache mon feu. On a ce qu'on veut, on est les plus bouillants. Pourtant ils trouvent que ces schlags font mieux. Ces schlags font mieux. Faut pas qu'on me freine. Salope, tu fais des pots, pas on te traîne. On va te traîner. Tu veux réintégrer l'équipe qui fait du bif, mais c'est trop tard mon refrain. Prends vos femmes en le prêt, c'est foutu. Ah, ok ok, c'est pas la bonne prod. Dooms balance quelque chose. Yeah yeah yeah yeah, écoute ça, écoute ça. Je t'écoute grave. Yeah yeah yeah yeah yeah. Hey hey, tous vos flots sont 5 gars. Quoi? J'ai des montres à 5 plaques avec mon équipe de Gildas, Raymond et tous mes gars de Zada. Okay. On foutra tous le derwa. Roule de wood et taga. Et ça roule dans des boules du crew sur taga. Sur la piste, y'a moult moult tagas. Moult moult tagas. Que des boules de foot, des bouches, des goûts en pagaille. Okay. Frère, Cartman disait, je t'emmerde, je rentre à ma maison. Douma me dira, je t'emmerde, je rentre à ta maison. C'est ça les G, super pour la family. Ok. C'est ça les G, super pour la family. On est 11 dans la chatatale, ça pue le ton à la catalane. T'es pas très fort, on est médaillé d'or. Toi tu coules un bronze à chaque bagarre. On fait du bon once à la baraque ça. Tu peux même nous envoyer tous tes petits en stage. On tire pile en face, silence car on se repose dans les sous-sols comme du 10 ans d'âge. On va bâcher tous ces bitches en place. Ouais. Cadenasser tous ces pitres. Frère. Faire du bif en balle. Pour marcher, on va tous vous mâcher comme du free dans White. Ça prie en lâche, on vous a pris en flag. Rendez-les comme Evangeli, vous rêvez de devenir des immenses stars. Ah, star pour là. Dès que je suis trop petit, mais je suis plutôt vif. Avec de la coke, tout devient utopique. Ici, ça s'use juste pour le kiff du showbiz et ça c'est pour le pif. Je te le dis souvent, ça prend des traces. Paranoïa quand elle a pas mis son anorak. Donc je me retire toujours avant de chécrar. C'est grave. Pas au diable et je vendrai jamais mon amour avant. Premier carton, elle écarte. Sans mentir, j'ai du flair chant qu'elle est partante. J'étais pas tente, j'étais hard, j'ai testé sa souplesse. Je peux dire qu'elle était pas tente. 95 gang, ah, 95 gang, 95 gang, dealer, 95 gang, dealer, hologramme low. Change-moi cette merde, change-moi cette merde. On en a marre de Migos. Blé, blé, blé, blé, de blé, blé, yeah. La vie m'a appris à ne jamais tourner le dos. Y'a que le mur qui peut mater mes fesses. Mais je laisse la bédave cramer tous mes neurones. Ouais, ouais, je préfère ça que de me gratter les veines. Je fais ce que je sais faire le plus, gratter des cesses qui te pètent le cul. Ouais, sans cesse on encaisse, mais je reste concentré. J'ai une tête d'un sexe mûr. J'ai souffert dans le calme. Ça prouve que mon parcours est crédible. Coup de pète dans le crâne. Fais jaloux, soit ouvert d'esprit. Si tu banalises ce que je dis, on te malmène. Jusqu'à ramper quand le cannabis fleurit. Pour tout ça freine la santé. Véritable vécu, j'en garde les stigmates. Depuis j'apprécie les paysages et je fume de l'herbe médicale. On reste insaisissable et t'es-tu toujours en indéminable. Dans un jeu qui tape des thunes comme dans Breaking Bad. J'ai des dons de minette en toute modestie, là j'y prends goût. J'ai l'expression directe depuis que mon esprit est parti en couille. Jusque là j't'aimais, mais t'as blasphémé. J'avais dit que personne ne pourrait m'arrêter. Rage, je t'offre le droit de te moquer si tu passes le code de ta CP. Suite de malade. Canapé en cuir en dessous c'est cuisse. De mama odeur de weed. De salade mélangée à l'huile. De massage sage. Dès qu'on se rapproche on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. Je mets bon rapport dans la distance. Quand t'avales je veux entendre oui mon maître ou tais-toi. Fais ça gentiment tu seras une petite poulette qui décoiffe des scolarisés. Robert Renoir, Bactou, Romain Michel dans les halls la misère. On manigance pour les Nova, Bill Gates pour les modalités. Fuck la moralité. Cherma dans le bolide. On dit toi les lèvres. Oli, oli, noir et beige. Sors-nous ton regard exotique. Tu veux nous ressembler, bande de nazes. S'il y a des femmes mûres, je peux prendre de l'âge. Si t'es qu'une sale pute, tu peux prendre ton tarma. S'il y a pas de pub, tu restes un gentleman. La hype, je connais le tableau. Ni qu'un vernissage quand y'a des billets à ma table. Mi pervers, mi sage. Ramène tes copines ce genre de bonasse. Fais-le pour mes potes, ils sont pas les. Sneezy, super dans les bagues. Super sound. Check. Hey. La hype, j'connais le tableau. Ni qu'un vernissage quand y'a des billets à ma table. Mi pervers, mi sage. Ramène tes copines ce genre de bonheur. Fais-le pour mes potes, ils sont pas les. La pute habite une chambre de bonne. Mais j'suis rentré dans son palais. Pourquoi tes parents sont pas là. Un son calé et mon son calé. T'enlever sans même un seul câlin. Pour les traces sur le sol, y'a du sopalin. Before, after, before, after, before, after, before, after, before, after. Les bouches se collent et l'école se bouge quand les connes rigolent. L'économie coule et dès que la nuit tombe, les coloris changent. Mes collègues colériques collent et se couchent. T'as raté les gros titres, c'est tiré par les groupies. Y'a ma zik à la télé, y'a pas de fumée sans feu, sans feu. Pour la cigarette électronique, invasion, prépare l'invasion. Les filles dans le lit, dans le viseur des nazis. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y. Dans le lit, dans le viseur des nazis. Super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, Gun H. C'est quoi les? On dit quoi? Yo, 9-4, Vizy, John H. Que ta femme vienne vite que je m'éclate. Vitry, on est cash. Paris, on dit quoi? Beaucoup de merde dans ce bis, faut qu'on les nettoie. C'est sur toi qu'on mise, la montre sera mise, les montres sera mise. Mais si j'ai ton 10, je vise des lait toi. Il n'a pas le tact, il n'a pas nos rêves, il nous aime pas. Putain qu'il est cru, peut-être qu'il nous traque, peut-être qu'il nous craigne. Il voudrait qu'on craque, John et Saïga, qui le cru. Phénomène business, t'as compris le vieux tru. Mixtape, concert afin de vous nourrir. Très peu d'écu, le temps c'est du vécu. Je construis ma carrière en guettant la tienne mourir. Ils diront faut pas qu'il sépère, donc si tu sépères, ils te niquent ta Mercedes. Ils réclameront tous les cimères, puis saisiront et diront bah nique sa mère c'est dead. Et ouais les gros, nique ta mère t'es dead. T'as vu que je la rappelle, mais nique sa mère c'est fait. T'as mis le cost là, t'es passé sur Bouska, fais les plus beaux podcasts, nique sa mère c'est faible. Je sens que je peux toucher mon rêve du bout des doigts. Yeah, yeah, yeah. Je veux toucher de l'argent, je m'en fous de toucher du bois. C'est un MC, fais le malin, fais-le. Si ton ennemi veut te fumer, fume-le. Dans un studio, fous le feu, allume-le. Donc tu connais, tu veux du rap, appelle-le. Busy. Busy. Busy. Business. Yes, super dans les box, mon pote. Allez, bon, bon, chose ça. Du Jello, balance une autre. Ouais, super dans les bacs, allez le pécho. Sneezy. Check, ça fait. C'est le binôme infernal sur le matos, prends le bédo. J'préviens que ça va faire mal comme le lapin dans le métro. C'est pour mes gars de Merso qui font du bif, arrête la haisse. Tu kiffes avec la tête, c'est qu'on kick avec la tech. SNET sur SNET. J'ai fait app, j'les ferai. Pour l'instant, j'suis dans l'optique de gérer des RNZ. La recette, on cherche tous à se la procurer. Faut que le procureur, trop curieux, ça a trop duré. Tu me dis tu les tous, j'compte même plus les tous. C'est pour tous mes cous, équipés d'un putain de bulletproof. Faut-il un style sophistiqué? Ouais, trop d'estime, on les siffle, ma massif pour les flics. Faut-il kiffer? Hein? C'est ce que j'me demande. Quand je me tique, faut que je les démonte. Delta main, je reçois plein de monde. On mincera pas la loi, je suis pas un padawan. On a rien d'un balavoine. Je parle à toi, quand t'as pas la niaque, tu passeras pas la douane. C'est leur péri qui rime, je viens de Vericity. Tu veux baisse, tu veux test, en un bang, je t'élimine. C'est pour tous mes refs qui filent de l'herbe à l'air frais. J'aime quand une voiture de keuf me laisse traverser. J'adore ça, gros. Ok, Rino lance des armes. 1. Bonsoir, on la tchat, ça appuie sur play, j'ai aussi de la frappe. RH, mais les gars, le premier qui me claque, je le braque, je le frappe. Tu me détestes, mais pourtant tu me check. T'es comme ces rappeurs qui ne vendent de rien, mais racontent du crack. T'es tellement je les terrorise, qu'ils me prennent pour un terroriste. Même si je suis hétéro, je risquerais de les tarot. 1. Flingue à la ceinture, fusil dans la voiture. Je suis pas d'amido, mais avec ton sang, je compte faire la peinture. Te remettre dans la droiture pour un du statut et sans rature. J'pars en guerre, j'reviens les chargeurs vite sans éraflure. J'reste en retrait, tous mes adversaires sont même pas prêts. Les boucaves, les keufs les indiquent, c'est la même direction qu'ils nous indiquent. Mandat cache par loire les visites, ils nous collent au cul comme des sadiques. Pas d'accrochage, calmez-vous, c'est juste une accolade. Faites les fous, j'vous baise même si vous êtes sous collade. Barbare comme Conan, mon rap contamine comme Ebola. RH, RH. Dommage pour ces connards, on me réserve une place de gros là. RH, RH. J'ai mis les gaz, ils m'ont boycott comme Coca-Cola. Ton train de vie sur une ligne blanche comme de la cocaïne. Rino là c'était ça. Bon ma gueule. XT Productions. Yeah. Orgemont, épinet. Maman JV, on voit maman JV, c'est Orgemont qui reprend les commandes. On voit maman JV. C'est normal. Je crois que les gars là, faut y aller. y aller. J'crois que les gars là, faut y aller. Le flow va vite comme le GoFa sur la 10. Check les putes, chacun mes frères, j'fais la bise. Pas de fit MC, venez pas me sucer la bise. En boîte, c'est le Barça, on joue à domicile. On pose des bouteilles de la taille de Messi. Ça tire pour un an, ça tire pour un oui. Les petits ont grandi, t'allumes sur un pioui. Les grands sont fanés, sont bourrés à midi. Le flow s'adoucit, la sacoche est Gucci. Un 6 coups, ça suffit pour que ta mort fasse le tir. Sous codéine, sous pédo ou sous tir. Mais au dommage, on reste fidèle au fils. En boîte au cristal, laisse pas traîner ta fille. Si tu veux pas qu'elle te ramène un fils. J'arrive en camis pour baiser ce game. J'suis la dixième dans le corps à 50. J'irai par ce game, pas les couilles de beauté. On cherche le liquide comme une femme fontaine. Ma Barbie, oui, je t'aime. Tu me trompes, je te quête. Ta cité, c'est très calme. Ma cité, c'est tes quêtes. La frappe, oui, t'es belle. T'es la femme de mes rêves. T'es en sang sur nous, on te baise avec tes rêves. T'es en sang sur nous, on te baise avec tes rêves. T'es en sang sur nous, on te baise avec tes rêves. Paire de lunettes, gros gamos sur les champs. Maman, j'y vais. Un soleil, une paire de Nike, un compète. Maman, j'y vais. T'es une chasse bien, tu fais mon bien. On est en train de ta main. Maman, j'y vais. C'est bâtard, on fait du mal calibré. Maman, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Maman, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Maman, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Maman, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Maman, j'y vais. Maman, j'y vais. Deuxième couplet, la famille. Maman, j'y vais. Maman, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Maman, j'y vais. Allume ton terre avec la flamme olympique. Maman, j'y vais, si le frigo c'est la prix. Grandis comme un roumain, voilà ma vie. Comme Mo, ils ont les cartes ta mère. Que des pirates d'or, je m'en donne la vie. Tu veux mon mal, je souhaite le paradis. Tu veux mon bien, je te fais vivre un enfer. Or, je m'en y'a de la frappe comme un rempère. Tu veux un homme droit, ouais, d'après toi. Mais le premier soir, on te baise à l'envers. Tu confonds Île de France avec Île flottante et le sperme avec crème à l'anglais. Tu confonds Île de France avec Île flottante et le sperme avec crème à l'anglais. Quand les gars, la richesse nous a feinté, y'a que la porte de nos HLM qui sont blindés. La femme passe le CLM aux frères sur le raté. Midi minuit, la paye est plus que méritée. On traîne à 18, comme des niqués. C'est normal que Mimi, on veut tous la miquer. Que des gimmicks, c'est Chicago. Je veux ma part du gâteau, mais celui à Zako. Le frère a changé radical pour sa go. Je lui en veux pas, faut bien qu'il fasse sa vie. Je suis pas ce mec jaloux du bonheur des autres. Frérot, c'est la bonne direction, la mairie. Je suis pas ce mec jaloux du bonheur des autres. Frérot, c'est la bonne direction, la mairie. Paire de lunettes, gros gamos sur les champs. Maman, j'y vais. Un soleil, une paire de nains. Qu'un compète, maman j'y vais. C'est pas bien, tu veux mon bien. Prends ta main, maman j'y vais. C'est bâtard, t'en fais du mal calibré. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais ouais ouais. Maman j'y vais, ouais. J'crois que les gars là faut y aller. Le liquide sur HF. C'est putain de grosse mixtape. J'crois que ma gueule on arrive fort. Petit à petit mais fort. 93 800. C'est merde Sneezy. Gangsta production. Pirate Rim Click. Ok ok. HM le sec. HMK. Ouais je peux choisir à son titre. Ouais ouais ouais. Boule de terre. Ouais boule de terre. Ouais sans faire et fouet. Ouais. Ils méritent pas avoir de flow. Ils essayent d'en adopter. Des chats on en a refou. Des chefs on en a beauté. Que des balles à la santé. De la technique que tu souhaites. Vite dans le square l'ambiance est en bon fiction. Son verre y'a ça à raconter. Je veux la raconter c'est normal. Ouais j'entends pas quand j'kick ou quoi. L'en français est sous un an. C'est tu laisses ton pif ou droit. T'as la natif me parle de camaraderie. Mais je veux juste qu'elle écarte. Ta nana na. Juste mon banana split. À mon tour du Paris gros. Tu vas t'essouffler si tu me cours sur le haricot. J'embrasse comme Diman. Tu l'as fait sans Diman. Ma vie est dure à avaler comme la gorgée qui t'a fait sentir mal. Ma route de bombe est marge. Si tu veux dompter ma race, t'enfonce la queue d'un chat noir dans le cul et prends des barres. Allez, va pomper ta race. Péter le condé, arrache ta gueule. Pas de poing, casse la jambe, avale des marges. Légalement, j'ai pour croiser les gens. Des trucs de con, j'en ai trop fait, mais j'en ai plus rien à foutre. Ma tire en la foudre des putes comme un. Se brosser les dents, c'est arithmétique, Marie mes films, sa petite rétine c'est que je suis trop élégant. Trafique et disque, j'ai pas de trucs cette fils, mais les sales titres me puissent pour lancer le temps. Nous ça roule l'esprit, fous la bride de bus. Trafic du shit pour gravir le but. À coup de fric, on s'attire les schmitts. Qui nous soulève pour le trafic de stuff. Ouais, je dis que ma vie de hurle, c'est juste un canon, la grand-mère pas dire de flux. Ça plus de pute, te casse le hug, j'ai mon instant pira comme tactique de hurle. Dans ma vie, faut que je touche le sommet, frère. En effet, tu trafiques, mais j'en ai que foutre. Quand un tas de gars vicieux. Allez. Dans le crâne la côté, dans la poche le produit, t'as mis c'est surdoux, c'est judicieux. Je prends les mecs, ça promet des choses sur moi, j'ai commis un crime horrible et vu des cieux. Je peux te dire qu'on ne devine pas folie. Ouais, ouais, ouais. Fermez l'instru d'avance, s'il te plaît. Super 11 mai. Libérez Bull, libérez Fouette. Libérez Bull, s'il te plaît. Libérez Bull, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Mon gars, mon gars. Remets l'instru d'avant, frérot. Ouais, y'a Marne la vallée dans la maison côté est. Pour tous mes gars du PDG, ça j'y crois. Ok. On fait les sous, calcule pas les sous. Sur internet, ils font pas les nous. Mais dans la rue, ils font pas les fous. Dans le côté est, on est v'là les boucs. Baba, qu'on cale les bouches. Je casse tête ceux qui sont à l'écoute. Et le reste, allez-vous. Ouais, fermette, tu doubles cette fois et faire ouais. C'est le Far West, on va la mettre à la France. Sans attendre qu'elle le permette. Donc, tire la chance par la France. La France, vise ma tête par la jambe. La jambe, un spliff de zèbre dans la chambre. Et je la baisse derrière par la gant. On sac nos vies à la vente. Par nécessité, vous manquez de flow, arrêtez le sud et cessez de clipper. Si c'est pour mes équipiers, y'a le Jack en I dans la caisse. Y'a la bague qui passe, les cartes en flip dans la caisse. Des frères qui vivent dans la reste. Mes pas dans jouer les muscles. Non, je vais trouer les victimes. 4-2-0 le district. Respect père, car le respect père. C'est le côté est. Et on nique ta mère si tu baisses les frères. Mais j'ai déjà que des buts au fond. Oui. L'achat tous les buts au fond. Oui. Un petit rachat pour les plus gros jeunes. Malgré quelques parenthèses, ça t'aimant pas le statut conforme. Rue encore vite, tu t'emportes. Y'a pas que cette fan que ça parle en jazz. Que ça parle, tu peux le garantir. Oui. Tu comprends que mes frères, tu te gardes. Juste enfonce mon truc sans forcer. J'assure au top, mais fais pas dans le zen. Okay. J'ai vu le remettre à 70. Et je vais faire réfléchir. Hop, réfléchis toi, en fait plus. Tu vas c'est eux qui t'achètent en peste. Code, tiens ton presto. J'ai dû dire. Rex, ton sexe, porte ton père. Ou pas d'empressement. Ce que tu dis, yeah. Okay. Moi je prendrai le temps. J'ai ce tirer. On t'a dansé. Dès à présent, des femmes lèchent. Cachons les dents et ça me lasse. Tu sais quoi pour me divertir? Je préfère prendre le chablais. Des sales chill, j'en ai ma cloche. Des fois je craque très au week-end. Faut que je fais ce que j'ai à faire. Et je quitte sans état d'âme. Un peu debout. Cette salope me fait du pied. Sans plus attendre, je lui pète le cul. Mais elles aussi sont métatars. C'est ta transporter ta place. Qu'est-ce soit à soi des barres. Tiens dans le rap comme sur ton boule. Pour qu'elles aussi je laisse mon pas. Pas de psychopathe, je des types, c'est le psychopathe. Pour voir souffrir, ils hésiteront pas. On tire dans le tas et t'es micro pas. T'es un outil, je te le dis, faut le bac. Je suis la dose qui manque au fils ou crack. Mon équipe, okay, nous braque, okay, okay. Sur l'âne. T'es un outil, trop les vies, faut le bac. Donc vive, faut le bac, vive, faut le bac. J'ai plaisir comme un litron de frappe. Si le game en dit son bac. On bat les couilles de ce que dit le contrat. Ici, ouais, ça marche même pour les infirmes. Mais la vie te baisse sans être agent. Recule, okay, négro, tu te crois dans un film. T'as les clés de la barre, j'ai les clés de la jungle. Quelle fois l'agissant. Et mes diestes, ils mettent pas dedans. Pourquoi parler si t'agis pas? BE, mafia, MK, clan, c'est une équipe paro de la nuit. Projet des éclatants, bah ouais. Évoquez de moi ta magique. Passe-moi ton sus, mon Léviathan. Les attends, les patents, je les écrase dès le premier carton. Écarté, j'ai les cartons. Ma mère, gros sont ardents. Pirate, 3-6 comme Yagbe. Yagbe, t'allumes au McDo. On t'aura ni le temps d'appeler. Oh, ni courir comme Ronaldo. Non, non, non, ouais. Non, non, non, ouais. Non, non, non, non, non, ouais. C'était la session live. C'était sale, hein. Session live à l'instant dans le Planète Rap entre 20h et 21h avec monsieur Sneezy. C'est ça, c'est Sneezy, allez finir. Il y a une prod là qui tourne. Et bah demain, demain on la garde pour demain. Vas-y, on la garde pour demain. Tu voulais saluer ceux qui sont passés au micro. Il y avait Ornette la frappe, il y avait la piraterie, il y avait le escrew, il y avait Doumams, il y avait Nekfeu, il y avait tout le monde. J'en ai pas oublié. Il y avait Phénomène Business, John H et il y avait Wham un peu. L'album super est dans les bacs depuis hier, on le découvre tous les soirs entre 20 et 21. Demain, ça, il faut aller pêcher l'album qui s'appelle Super qui est déjà dans les bacs. Faites monter cette merde, la merde est chaude. Et bien demain de retour avec Sneezy, là on fait tourner la roulette rapidement. C'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Salut Alexandre Ducanet, comment ça va? Salut. En pleine forme. Ça va et toi? Après ce gros freestyle, Alexane, est-ce que tu es prête toi à faire tourner la roulette? Ah ouais, je suis prête. Alors on l'annonce dès que tu veux, tu dis stop. Mad Max, le film qui sort non pas mercredi mais jeudi. Jeudi 14 mai. Dans toute la France, Alexane, au Canet et partout ailleurs. Ah. Ouais. Eh oui. Eh oui, tu iras le voir ce film, et pas toute seule, puisqu'il y a 5 places en tout pour aller voir Mad Max, Alexandre. Je serai pas toute seule avec mes copines. Fury Road, vous irez entre copines. Ah bah, ouais. Dès que tu reçois les places, donc assez rapidement, puisque la sortie c'est jeudi du film. Super, merci beaucoup. Donc fais un bisou, Alexandre. Gros bisou, je peux passer une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je fais une grosse dédicace à mes copines qui m'écoutent, parce qu'on connaît trop, à mon chéri et à toute ma famille. Eh bah, ça roule, bisous, Alexandre. Ciao, gros ciao. Gros bisous, vous êtes au top. Ciao. Merci, on va essayer de continuer demain à être au top, hein, Sneeze. Ouais, on va aller se coucher, là, faut se reposer. Ouais, faut se reposer. Pour brûler ça demain. Et demain, encore du gros freestyle? Encore du gros freestyle, encore des invités très très chauds, des invités mystères. Et l'album. Super, et l'album, et alors qu'on me dit dans l'oreillette, 1-0 pour le Bayern, ça va être chaud le match ce soir, chaud. Bon, ils en ont 3 à mettre. Hein. Ouais, même 3 autres à mettre, ouais, c'est ça. Moi je pense que le Barça. Non, plus que 2, ouais, plus que 2 à mettre, ouais. Ah, toi tu penses que le Barça. Bah, moi je suis pour le Bayern au fond, mais je veux que ce soit le Barça pour qu'il y ait un vrai classico en finale. Résultat demain, merci en tout cas Sneezy, l'album yes. Super. Allez le pécho et merci à tous ceux qui l'ont pécho et je kiffe, merci pour tous vos messages, etc. Et le foot, on va pouvoir le continuer à le suivre avec toute l'équipe de Default de la Radio Libre qui doit être là maintenant. Très bien, vous avez terminé Planète Rap avec un but. Un but, voilà. Ouais. Un but pour le Bayern, c'est bien, ça relance un peu le suspense. Ça va pas être facile, il a raison Sneezy. Chaud, hein. Ah oui, ça va être chaud. Bon, bah merci en tout cas pour cette soirée, Sneezy, Fredo. Merci à toi, Default, ça fait plaisir. Bah, ça fait toujours, un gros nez. S'il te plaît, on va rester bons amis, hein, Sneezy. Hein. Il n'a pas réduit depuis hier soir. Ouais, pour le mien, ça n'a pas changé. C'est vrai. Moi, je rentre pas dans la discussion. Bienvenue au club. Je rentre pas dans la discussion. Je sais pas c'est pourquoi. Dommage, Fredo, parce qu'il est capable de nous battre tous les deux à la fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau du zen. Ouais. Oh, tranquille, dis full relax, toi. Bah, merci Sneezy en merci tout cas à vous. Pour bonne émission. Le Planète Rap. Et à toi aussi demain, 20h-21h, Planète Rap, à pas louper, c'est sur Skyrock. Évidemment, Sneezy, 995 toute la semaine sur Sky avec l'album qui est sorti hier. Il s'appelle Super. Et il est super, il est à découvrir sur Skyrock demain. Bon, bah, du foot, vous avez commencé la soirée footballistique. Bah, nous, on va la continuer, on va suivre ça en direct. Il va y avoir du suspense, ça va être marrant en tout cas ce match. 1-0 pour le Bayern, comme tu le disais si bien, Fredo, tel Christian Jean-Pierre. Je te remercie pour la comparaison. Tu es notre Christian Jean-Pierre. Voilà, c'est sympa. De ce soir. Pour Fredo. Putain, merde. Ça te fait pas plaisir? Bon. Étonnant. Fredo, je retire Christian Jean-Pierre. Voilà, Christian, tout court. J'étais votre Christian, tout court pour le commentaire. Je te remplace par Jean-Michel Larkin. Voilà. Bon, ben du coup. Eh ben, c'est parfait. Du coup, je suis refait. Soir. Le premier son de la soirée, tiens, juste avant qu'on arrive, c'est Florida qu'on écoute tout de suite. Et pendant Florida, bah, vous pouvez nous appeler hein, si vous avez besoin de nous. Toute l'équipe est là, 01 53 40 30 20. Vous allez laisser vos messages aussi sur le 41 759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Dès que vous voulez parler d'un truc, c'est parti. C'est en direct sur Sky et Florida. C'est sur Skyrock aussi. C'est Going Down for Real. Tu parlais de Mad Max, le film avec Skyrock. Mm-hmm. Et bien, un des sons que vous avez découvert, ça, c'est l'annexion de Fast and Furious. Florida, maintenant sur Skyrock, à 9h-5. Et c'est parti tout de suite pour la Radio Libre. Ciao, ciao, ciao, tous les soirs.